the president-elect of the United States of America, Donald Trump. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is the money. Dans cette période si douloureuse, si grave, nous sommes en guerre. Mercredi dès 20h, d'étranges individus se rassemblent dans un lieu tenu secret à Bruxelles. Cet endroit, ils l'ont appelé la trappe. Ils pensaient faire leur réunion hebdomadaire seuls, à l'abri des regards. Mais ils étaient loin de se douter d'être dans un mode ultra connecté. Non loin des oreilles de tout Bruxelles, ayant perdu toute discrétion, autant mettre les micros et faire de la radio. 20h-22h. La Trappe, avec Jadoul et toute son équipe. Wow. Bienvenue, on est en direct, c'est mercredi aujourd'hui, La Trappe, comme chaque semaine, pour vous accompagner en direct sur KF 20h02. On reste fidèle à notre tard. Et l'heure est bonne cette fois-ci. Et l'heure est bonne, on a remis l'horloge. Ouais. Allez, oh. Heureusement que sur 7 jours, on a trouvé l'occasion de le faire. Je te souhaite la bienvenue, Kix. Merci bien. Ça y est, 20h-22h, ça démarre. Là, on a des dossiers pour vous, ça va être énorme cette émission. On vous a préparé tellement de choses, je pense que ça peut déborder à tout moment. Ah. On va peut-être rendre à 22h40. Hein. Plus encore. Hein. Ouais, plus, on peut monter. Allez, on arrive au bout d'une petite semaine, là, au final. Hein. Demain, encore un petit peu de courage. Et puis, pour la plupart, on sera en week-end. C'est vrai, un férié, grand week-end. Férié vendredi. Bon, alors, 3 jours de férié, ça fait plaisir. Et ça suffit pas, je trouve. Non, les gens tirent la gueule encore. Je trouve que les gens là sont pas assez de bonne humeur. Vous qui êtes de l'autre côté de la voiture, allez, souris un petit peu. Toi aussi, Kix, souris. Ah, je peux pas faire plus là. Mais... Encore un peu. Aïe, aïe. Bon, c'est compliqué, je vois, alors c'est pas grave. Petite séance de méditation. Vous êtes bien là? Très bien. Moi, je suis très bien là. Je me sens détendu. Tu l'évites un peu? Un petit peu, ouais. Ouais, je retombe d'un coup parce que. Faire des dégâts, ça me fait mal. 2 minutes de méditation comme ça. Je vous ai ramené un invité, David. C'est notre spécialiste, il est venu spécialement pour nous détendre ce soir. Respirez un grand coup. David est connu sur TikTok pour ses techniques, pour nous aider à apprivoiser nos émotions, éponger nos problèmes. Expirez un grand coup. Il est venu avec sa chanson. Monsieur David, démarrez quand vous voulez. On est détendu. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. No, the coconut c'est quoi ça? Nut is a big nut. Tu vois, moi je m'attendais à un truc de ouf. Ah, moi. Non, là ça donne le sourire, tu vois. Non mais il est énorme, juste le début en fait. The coconut nut is a giant nut. Ah, je suis fan de lui, vraiment, vraiment. Je pense qu'on va le garder lui un bon moment. Non mais si tu reconnais pas la musique? Pas du tout. Ah, pourtant David, c'est notre arme secrète. Hein. À la base, c'était quand même ça la musique, pour te dire que ça part vraiment de très très loin. Ouais, ça me dit un truc de loin, ouais. Mais dis-toi que ils ont osé le refaire en K-pop. Tout ça pour nous offrir ce soir. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Non mais c'est un diamant brut, David. Ouais, j'attends la reprise de Jean-Michel, tiens. De Jean-Michel qui sera là tout à l'heure dans notre crypto troquet. Oui. Ça va être encore incroyable cette séquence. En attendant, tant qu'on a David sous la main, est-ce qu'on pourrait pas lui faire faire autre chose? Je sais pas, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Tiens, est-ce qu'il peut faire le cri du loup? Il fait nuit et faire le cri du loup. Ouh. Il le fait bien. Merci David. Tu sais faire autre chose? Un autre animal peut-être? Cri de l'ours. Oula. Ah ouais. Ah, pas mal. Voilà, on a fait le tour des animaux. Qu'est-ce que tu veux maintenant, David? Un petit café peut-être? Je sais pas. Ouh, j'ai bu du café. Oula, non. Ouh, j'ai bu du café. Oh là, il en a trop pris là. Du café, on l'a chauffé là. Ouais. Tu peux te calmer. Allez, tais-toi, merci, c'est bon. Ouais. J'ai coupé le truc, comme ça au moins on est tranquille. Bon, tout ce qu'il faut retenir sur David, c'est qu'à mon avis, il va rester dans les parages de cette émission parce que là, mon flair me dit qu'on tient quand même un grand, comme on dit, un grand du milieu. C'est un héros là. Tu sais quoi, on pourrait même lui demander d'enregistrer un générique pour nous. Ce serait parfait. Ce serait énorme. On comptait lancer notre émission sur Twitch. Tiens, David, est-ce que tu sais nous lancer un coup de main, peut-être un générique pour faire attendre les gens sur Twitch? Bienvenue sur mon Twitch où je stream. Bienvenue sur mon Twitch. Il y a des rimes, hein. Soyez patient, j'arrive. C'est bien produit, c'est plutôt bien produit. Merci sûrement. David, c'est bien, on va rester là. Ça serait pas mal, en vrai, ça serait pas mal. Il y a un délire, on va dire. Ah, ce serait pas mal. Oui, vite fait. Ça va, t'as passé une bonne semaine sinon? Oh, super, oui. C'était très court, hein, comme tu l'as dit. Donc, Ouais, bah voilà, deux petits jours peinards. Aujourd'hui, grosse journée de grève. Oui, du coup, il faut s'arranger parce qu'il faut quand même bien qu'on vienne pour la radio. Ah, c'est bien, bon réflexe. Bah, merci bien. Et donc, bah voilà, à mon avis, tu pourras pas repartir par chez toi ce soir. Non, je vais devoir être hébergé, oui. Ah, voilà. Ouais, c'est ça qui est très chouette, c'est que... Ah bah oui, ça, on en parlera plus tard dans l'émission. On a une séquence sur la grève, ça va être incroyable. Il y a plein de choses. Hein. On va avoir une incroyable histoire sur TikTok. Oh. C'est vraiment très émouvant parce que c'est l'histoire d'un papa et son fils. Et si vous aimez un peu la musique, si vous aimez les belles histoires, bah, il faudra rester branché. On va vous parler de l'application Biril aussi. On va faire un petit tour sur RTL TV. On aura une invitée ou un invité peut-être. Un invité, ce sera Gazo. Gazo. On garde aussi pour plus tard. On parlait plus tard. PlayStation 5 aussi, ce sera notre grand sujet. Jean-Michel nous fera un petit coucou. Bref, un programme chargé ce soir. Encore merci de nous avoir choisi avec un thème qui va nous conduire jusqu'à 22h. C'est l'argent liquide. Est-ce bientôt la fin de ce moyen de paiement, hein? Le Covid a quand même poussé tout doucement à la fin de l'utilisation de la monnaie. Et avec l'évolution d'Apple Pay, avec l'évolution de plein de choses. Bref, on en parle dans quelques instants. Vous pouvez déjà laisser vos messages sur le WhatsApp, un vocal ou un message texte. Au 02 315 10 15. La trappe de 20h à 22h avec moi, avec Jadoul sur KIF. Allez, coucou David, on se dit à très bientôt. Ouais, je m'auto-applaudis pour faire joli. Bye. Alonso sera là dans quelques instants. Nino et Naps feront aussi la fête avec nous. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Kix, tu traînes un peu sur TikTok. Je pense que t'es la personne de l'équipe la plus active sur TikTok. Oui, sûrement, ouais. Ça ne t'a peut-être pas échappé. Je sais pas si tu le connais, Zach Montana. Non. Zach Montana, il a 19 ans. Il a sauté un jour dans la voiture de son père pour faire un tour. Et par hasard, il tombe sur un CD, comme ça, qui traînait dans la boîte à gants. Ouais. Et découvre que son père a fait un titre. Oui, il est artiste musical. Ouais, alors oui, mais il le savait pas, donc c'est vraiment c'est comme si toi ton père tu le retrouves et tu fais bah alors papa tu fais des... quoi. Ouais, j'avoue, ça peut être assez drôle. Ah mais c'est fou. Mais alors bon, il lui explique ouais, j'ai enregistré ça avec quelques copains dans les années 70, mais j'en ai rien fait derrière. Alors bon, comme Zach, le petit 19 ans, il faisait des vidéos sur TikTok sans grand succès jusque là, il s'est dit que tiens, bah voilà du contenu, je vais me filmer en train de découvrir le son qu'a fait mon père. Hop, il met le CD dans la voiture et là il découvre. What? What the fuck? It's so good. It's disco, but it's so good. C'est pas mal, hein? Mais j'avoue, il y a un bon délire. C'est son père. C'est top. Bref, c'est énorme, il est ultra emballé. La chanson s'appelle Surrender to Me. Elle est enregistrée il y a 43 ans et elle n'est jamais sortie. Tu te rends compte, c'est fou mais quand c'est même. C'est énorme, je suis sûr qu'il la sorte maintenant, ça va faire un buzz. Bah alors ah, justement, attends là. Je spoil, ok. Merde. Attends la suite. Alors bon, la vidéo. Il la publie avec comme légende dessus. Les gars, s'il vous plaît, faites exploser ça pour convaincre à mon père de sortir cette chanson un jour. Il poste sa vidéo, ça explose, gros succès. Alors il était inconnu hein, jusque-là sur TikTok et là, il est propulsé à 3 millions de vues sur sa vidéo. La vache. Ah ouais, c'est fort. C'est énorme. Et donc, il s'est dit, tiens, avec l'argent que j'ai là et tout, je vais faire un petit cadeau à mon père, je vais lui offrir une vraie session d'enregistrement dans un vrai studio de musique pour qu'il y améliore un peu son titre. Il réenregistre un petit peu tout, les basses, les voix et tout. Excellent. Pour essayer que ça aille un peu mieux et hop, un petit remastering. redécouverte dans la voiture du morceau et en direct sur KIF. Beaucoup plus propre. Et donc ils se sont séparés de la vieille qualité CD, cassette à l'époque, hein, les années 70, bon, c'est passé de support en support. Et là il y a un truc un peu plus propre. Mais là vous vous dites, bah, quelle est la suite maintenant qu'il y a un titre propre ? Eh ben sachez qu'il y a un mec des Gardiens de la Galaxie qui se baladait sur TikTok et lui a écrit « Je peux pas te promettre que ton morceau va finir dans les prochains Gardiens de la Galaxie, mais je le garde sous la main. » Une histoire de dingue. Donc c'est fou. Donc mais là déjà, enfin... il est repéré par Marvel. Mais c'est énorme. C'est incroyable. Et donc, ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on fait ? On a le morceau ?» Et là, Zach fait la grosse annonce. « The song is gonna be released. We did it. You guys did it. » Et le son est vraiment sorti sur les plateformes. Et voilà, et non. Ça y est, et ça part. Et maintenant, c'est le succès international. Il a tourné tout l'été en Amérique, celui-là. Écoute-moi ça, là, c'est vraiment la qualité finale, quoi. Le groupe s'appelle Fire City Funk. Succès pour son père, il enchaîne alors les radios, les plateaux télé en expliquant que c'était très difficile à l'époque, dans les années 70, d'obtenir un contrat d'enregistrement. Il n'arrivait pas à faire signer son titre, alors il l'a mis sur son étagère durant 43 ans. Et de temps en temps, il écoutait, il se disait c'est plutôt bien ça. Même Jimmy Kimmel l'a reçu dans son show et a également demandé à Zach s'il avait obtenu la permission de son père pour le publier sur TikTok. Le père a répondu non. En expliquant avec un petit sourire que le monde avait besoin de l'entendre. Eh ben tu sais quoi ? Je suis d'accord avec lui. T'as pas un son, toi, de ton père, de ta tante, qu'on peut publier pour faire un peu de sous, nous ? Malheureusement, non. Ah. Ça aurait été cool, mais malheureusement, non. Ah. Voilà, merci bien. C'est encore très pratique, tout ça. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Ah, j'ai eu de l'espoir. Ah, tant pis, c'est pas grave. On fera pas de musique. Dans quelques instants, top 5 des pires dérapages de Jean-Marie Bigard. Oula, oh, ça promet. Ça va être encore énorme. Bienvenue, belle soirée. Pardon. Bienvenue. J'avais oublié que j'avais ouvert mon micro. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Les plus grands forains de la bande FM pour vous accompagner ce soir jusqu'à 22h. Bonsoir. Zemardi. Non, je l'ai pas sous la main. Ah, mince. Je l'ai toute l'émission. Ça, c'est pas là, cool, et... ça, c'est nul. Ah, voilà, voilà. On a déjà ça, c'est bien. C'est l'autre qu'on voulait, là. C'est parti, hein. C'est parti, hein. Et là, les gens qui débarquent pour la première fois se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais où suis-je? On est comme ça toutes les semaines. C'est la trappe, c'est comme ça. Vous nous retrouvez en podcast sur toutes les applications que vous voulez, Apple, Spotify, bref, partout, vous tapez la trappe et vous retombez sur l'émission. Bon, on est super à la bourse, pas grave, on va quand même vous faire le top 5 des pires dérapages de Jean-Marie Bigard. C'est un personnage. Jean-Marie Bigard, franchement, à chaque fois qu'il fait un plateau, c'est ouf parce que ça part toujours dans tous les sens. Là, tiens, par exemple, dis bonjour à Jean-Marie Bigard. Bonjour Jean-Marie Bigard. Si je te donne 500 balles, est-ce que je peux t'enculer? Je sais pas, ça... non. Oui. Ok. Ah, tu veux pas lui répondre, hein? Tu veux répondre quoi? Oui. Mais je sais pas, réponds, on fait un truc. Bam! Je te mets une grande patate dans ta gueule. Bon, on fera pas d'impro ce soir avec Kix. En revanche, voici en numéro 5 de ce top 5 des pires dérapages de Jean-Marie Bigard, c'est quand il a renversé un verre dans la figure de Geneviève de Fontenay. Un verre de vin qui tâche. Oui, je sais pas si t'as déjà vu. Si, j'ai vu. Ouais, le résultat est explosif. Ouais. Quand on claque un record comme ça, effectivement, et tu as raison, c'est de dire. Nous ne sommes vraiment rien du tout par rapport à la vie de la planète. Et là, il va taper dans la main. L'univers. Give me five. Oh, merde. Mais non, mais j'ai mal dans les yeux. Ça, c'est grave, quoi, la pauvre Geneviève. J'ai du mal dans les yeux. J'ai les images en plus. On va remplacer ce tailleur. On peut pas. Non, non, il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a plus. Là, c'est fini. On n'a plus de tailleur. Bah, désolé, Geneviève de Fontaine. Hein, bah, bon, il était vraiment mal à l'aise. Hein. J'ai jamais vu Jean-Marie Bigard aussi gêné d'avoir détruit le. Bon, mais il n'a pas fait exprès hein, aussi. Non, mais bon. Quand tu vois le beau tailleur blanc de Geneviève de Fontenay, il se fait moucheter de vin. Mais en plus, quand on voit les images, ça vient de loin. C'est pas comme si elle était pas vraiment à côté. Ah non, non, c'est, ouais. C'est vraiment parti à l'opposé. Le hasard fait que le verre était là, Geneviève aussi. Et puis voilà, bon bah c'est pas grave. On va au 11 juillet 2013, c'était lors d'une émission qui s'appelait La Dernière Interview. Et là il était très énervé. Très énervé au point qu'il a insulté le journaliste. On fait, nous les humoristes, des métiers où nos femmes nous disent quand on part pour travailler, entre parenthèses, amuse-toi. Là, vous tu connais un autre métier qui dit je m'amuse un peu moins parce que t'es un peu parce que j'aime pas ta gueule et que t'es pas drôle. Ah ouais. Mais sinon normalement je m'amuse. Jean-Marie. Ouais. Pourquoi ma gueule elle a quoi? Rien, tes questions me plaisent pas et c'est tout, vrai et ça me pète les couilles, j'ai hâte d'en finir. Non, à ce point-là. Pas avec la vie, hein. Non, pas. C'est bien. Mais qu'est-ce qui était chiant dans les questions que j'ai posées pour l'instant? Tout, ton sourire un peu suspicieux, comme ça, d'aller chercher un truc. C'est mon métier, je vous pose des questions. Eh ben, vas-y, et puis moi je réponds. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. Il les cache, hein. Mais t'as vu comment il le taille? Oui, c'est. Il faut être solide, hein, pour l'avoir en interview. Ah, là, si tu veux, on va au 13 septembre 2022. Oui, c'était très récent. Ça se passe sur C8. Il répondait à son ancienne productrice au sujet des contrats fictifs autour des spectacles qu'il avait prévus. Alors, tiens, c'est ce son-là. Alors, moi, je lui dis, Christelle, 14 millions d'euros, il va falloir, dans la mesure où tu vas te les prendre dans le cul. Il faut que tu les roules bien roulés, parce que tu vas t'abîmer le trou de balle. Voilà, toujours dans la délicatesse. Moi, j'aimerais pas faire affaire avec lui. Hein. Franchement, j'ai peur. On reste sur C8, c'était vendredi dernier, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Jean-Marie Bigard était l'invité de Jordan Deluxe, chez Jordan, c'est le nom de l'émission, et il s'est emporté parce qu'il réagissait à un vieux tag d'il y a deux ans avec François Cluzet. C'est le 4 novembre 2022 sur C8. Grand moment. Il arrive, très nerveux. Il arrive qu'en numéro 2 de notre top 5, hein, parce qu'il y a eu un grade au-dessus. On écoute ce que ça a donné vendredi chez Jordan. Je vais t'expliquer des trucs qui m'ont fait beaucoup de mal. J'ai fait le Stade de France. Personne! Toutes les personnes comme François Cluzet disent non! Non! On veut pas! Qu'il soit le seul humoriste au monde à avoir fait rire 52 000 personnes, ça n'est pas acceptable pour ces gens-là. Ils ont le cœur trop petit. Et c'est chaud. On va lui présenter David du début d'émission là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent bien s'entendre les deux avec David. David, un truc à dire peut-être? Merci beaucoup David. Non mais alors là c'était en numéro 2, donc dis-toi qu'il y a encore un numéro 1 au-dessus de ça. J'ai déjà peur, franchement. Le sommet de l'énervement. C'est pas possible, là, il explose. Ah ben il va péter un boulon là, je te le dis. On l'a décomposé en 3 morceaux parce qu'on s'est dit il faut qu'on s'arrête un petit peu sur ce qui s'est passé chez France Bleu le 30 novembre 2020. Jean-Marie Bigard était excédé par la gestion du confinement et de la crise Covid. Il témoignait au micro d'une journaliste qui, je pense, en prenant son café le matin, s'est pas dit qu'il allait lui arriver tout ça dans la figure. Quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Ils savent peut-être non, pas, non, c'est un pas nouveau virus, ils obéissent à des contraintes. Tous les scientifiques ne disaient pas ça, il y avait pro-masque disons que les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais je n'ai rien à branler qu'il y en ait deux sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas trois personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et là, il est tellement chaud que ça continue, il se calme un tout petit peu. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. Je suis fan de cette pauvre journaliste qui en a pris plein le nez et qui tempère juste en disant Jean-Marie. C'est incroyable. Mais venez m'aider. Bah oui. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Ouais. Bah forcément. Et donc si on résume un petit peu. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlée. Sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit, ouais, finalement, elle est ronde. Ouais. Bon, voilà. Merci Jean-Marie Bigard. Au moins, grâce à tout ça, on a tous les ingrédients pour faire un remix. Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlée. Hein? Sur le bûcher. Ah, c'est énorme. Raleigh de Free qui nous régale avec ses remixes, mais c'est fou. Ah, je suis fan. On pourrait vous le diffuser en entier, mais Shazamelo, hein, il est disponible sur toutes les plateformes. Raleigh de Free qui a fait Jean-Marie Bigard, Synthwave Remix, et c'est archi canon. Les gens devraient te voir en direct comment t'étais à fond dans la musique. Bah ouais, mais je la connais par cœur, c'est mon réveil. Ah oui, carrément. Oui, c'est mon réveil. Ah bah. Dis-toi que chaque matin, après une bonne nuit bien calme, je me réveille avec un complotiste. C'est génial. Ah là là, c'est le seul réveil qui... Bam, je te mets un gros, une grande patate dans ta gueule. Non, mais ouais, ça doit être... dès le matin, ça doit bien te réveiller, ça. C'est quoi ton réveil, toi? Moi, j'en ai pas. Ah. C'est fort aussi, hein, celui-là. On se retrouve dans un instant sur KIF. On aura plein de belles choses pour vous. Et on va voir aussi ce qu'on ferait pour tous vos sons préférés aussi, parce qu'il n'y a pas que des conneries, il y a aussi de la musique. Et on aura l'interview combinée qui arrive, un petit reportage RTL TVI, ça va être énorme. Il faut pas bouger. Passez une bonne soirée avec KIF pour vous accompagner dans quelques instants. Us l'Enfoiré sera là, Pedro Sampaio aussi. Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Je vais te parler d'une application que tu utilises peut-être pas, je sais pas du tout, je ne sais pas si tu l'as sur ton téléphone. C'est possible. BeReal. Ah non, pas du tout, BeReal. Ouais, c'est dur à dire en français. Hein, BeReal. BeReal. BeReal. BeReal. BeReal. Bref, ouais, BeReal. Anglais, moi c'est... J'ai appelé BeReal. C'est en fait, on en avait parlé il y a quelques semaines dans l'émission. Je me rappelle. Ah quand même. Enfin, vaguement, mais... c'est quelque part dans ma tête. Voilà, c'est... J'ai bien rangé, quoi. C'est ça. C'est en fou. Un peu trop, d'ailleurs. Bah, BeReal, en fait, c'est une application qui permet de faire une double photo en simultané. En gros, ça va... Tu vas avoir ton téléphone en main. OK. Ça va faire une photo frontale et une photo je vois. De l'autre côté. Et en gros, les deux photos des deux objectifs de ton téléphone, ça va faire qu'on sait à 360 degrés ce qu'il y a autour de toi, où tu es, qu'est-ce que tu fais. OK. Et bah, c'est très à la mode. Très très à la mode, d'autant plus qu'ils ont maintenant 3 millions d'utilisateurs actifs. Ah, quand même. Donc franchement, ça grimpe bien. C'est un petit peu la compétition pour le moment entre BeReal, il y en a plusieurs là qui sont en lice parmi les nouvelles applications un peu tendance. C'est une alternative en fait à Instagram, parce qu'il y a des gens qui se sont dit Instagram, moi ça me casse les bonbons, et je vais essayer de me diriger vers une application plus vraie, plus réelle. BeReal. Voilà. Donc c'est une seule application, une seule et même application, c'est pas juste par exemple un... Enfin, je veux dire, en gros, c'est le même style qu'Instagram, ou c'est un truc, par exemple, une autre application, c'est un autre système, c'est vraiment un, voilà, c'est une autre application, c'est un autre réseau social. Ok. Et je vous parle de ça parce que on a appris un chiffre. 91% des utilisateurs de BeReal n'ont rien compris à l'application. C'est incroyable. Comme moi. C'est quand même un échec. C'est-à-dire qu'une plateforme belge de mise en relation entre les marques et les agences, bref, un truc de bobo qui fait des sondages, a expliqué que seulement 9% des BeRealers postent la première photo qu'ils ont prise sur l'appli. En gros, le principe de BeReal, tu prends une photo, c'est de l'instantané. Tu peux pas tricher, tu peux pas la refaire, tu peux pas mettre de filtre, tu peux pas la monter, tu peux pas, voilà. Ouais, t'as pas intérêt à tromper, quoi. Toutes les 24 heures, t'es obligé de prendre ta photo, sinon tu postes un be late, je crois, et c'est que t'es à la bourre et c'est que t'as triché sur ta photo, ça veut dire que t'es pas dans l'instant présent. Mais comme la plupart des utilisateurs disent que, bah, j'ai pas forcément quelque chose à publier là maintenant, ils font semblant d'ignorer la notif comme quoi il faut poster le truc. Okay. Et ils ignorent un peu. Donc au final, 35% des utilisateurs font 3 essais avant de publier l'instantané, le cliché du moment présent. Donc ils sont un peu cramés. C'est pas du real. Et au final, ils ont fait 3 tentatives. C'est pas de l'instantané. Alors pire, il y a la majorité des utilisateurs et utilisatrices, 53%, qui préfèrent ne pas cliquer sur les notifications et disparaître du réseau social parce que ils n'ont rien d'intéressant à porter. Et voilà, c'est ça. Bon bah, toi, écoute, tu l'as ? Moi je l'ai, ouais. Ok. Et tu l'utilises souvent ou... Bah, une fois par semaine. Voilà. T'as un vrai BeReal ou Non, tu dis BeReal. Ouais, mais quand tu es utilisateur, c'est BeRealer. BeRealer. BeRealer. T'es un vrai BeRealer, toi ? Ah, ce terme. T'es BeRealer, toi ? Oui, je suis BeRealer. Bah, venez me suivre. On va voir s'il y a des. Alors, ouais, on va faire une expérience. Vous savez quoi ? Tout Bruxelles, là, qui écoute, et même à travers le monde, hein, sur KIF.be, on fait un test. Venez me suivre sur Jadoulito. C'est le vrai surnom ? Ouais, j'ai trouvé que ce nom d'utilisateur de libre, Jadoulito. Et on va voir. Quoi avant ou rien à voir ? Non, c'est sur BeReal, vous tapez Jadoulito, J-A-D-O-U-L-I-T-O, Et on va voir s'il y a du monde sur Biril. On va faire l'expérience. Et je vais poster un Biril là tout de suite. Oui, en direct comme ça. Donc on fait ça en live. Hein. Donc voilà, j'ouvre l'application. En gros, c'est simple. Voilà, elle a oublié qui je suis, donc je vais devoir me reconnecter. Ça fait longtemps que j'ai de l'ito. Et t'abonner. Ouais, on voit que tu es souvent sur. Ouais, je vais devoir. Voilà. Moi, c'est bien, tu fais de la bonne pub. Bon, je vais faire la photo durant la pub là parce qu'il me recommence l'inscription. Jadoulito, venez suivre le compte, je vous accepte en retour, je vous suis en retour et on va voir s'il y a du monde sur Bruxelles qui utilise l'application. Je serais vraiment curieux de savoir si sur les 3 millions d'utilisateurs, il y en a quelques-uns à Bruxelles. On fait le test. Ouais, voir si ça fonctionne vraiment. On va voir si ça fonctionne vraiment. Vos messages vocaux arrivent sur le 02 315 1015. Parce qu'on parle aujourd'hui de. On parle de l'argent virtuel ou l'argent liquide. C'est ça, voir si ça va bientôt disparaître. Vous êtes porté sur le cash, vous êtes porté sur l'argent virtuel, c'est-à-dire les cartes, l'Apple Pay et tout ça, la crypto-monnaie même peut-être. Venez nous parler de tout ça. Ça se passe ce soir en direct sur KIF. On a encore plein de bonnes choses sur vous. Sur vous, sachez pas. C'est ça. Pour vous, ouais, bah, c'est parce que. On a des problèmes d'orthophonie, hein, tu sais bien. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Passe l'enfoiré maintenant, Pedro Sampaio juste après. Et plein de belles choses qui arrivent encore dans cette émission. La trappe jusqu'à 22h. Il est génial ce Hustle Enfoiré, franchement je viens de le découvrir, c'est une nouveauté KIF, franchement ça s'appelle la Marseillaise avec Nino et j'adore. Qui sera notre invité tout à l'heure? Ah j'ai cru que tu me disais que lui était l'invité tout à l'heure, non pas du tout, c'est Gazo. Hein. Merci, ça va, vous êtes oui, non, j'ai cru que tu me disais qui serait l'invité tout à l'heure, j'ai dit non c'est pas ça. Et on me dit que c'est trop long. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Alors ce qui est fou, c'est que là c'était la grève, alors beaucoup sont restés à la maison, beaucoup ont regardé la télévision, et dans ce contexte, j'ai zappé sur RTL TV. L'autre jour, je suis tombé sur exactement cet extrait, je te le découpe là. Vas-y. Je vais te le diffuser tel que je l'ai trouvé à l'antenne en zappant. Et vous allez voir que les témoignages qu'elle y a recueillis sont vraiment interpellants. C'est vraiment merdique. Hein. Voilà, ça c'est le début du reportage. Et donc, que dire de plus? C'est vraiment merdique. Bon, ok, on va continuer un petit peu le reportage. Nous sommes chez Jacques, juste en dessous de son salon. Ben voilà, ils sont venus occuper les lieux, il faut même des frites. Dans la pièce d'à côté, une odeur insupportable. Oh non, allez, ça va, c'est bon. Oui. L'horreur. Ah ouais, d'accord. C'est un sketch, c'est vrai. Non, c'est... c'était le journal télévisé, c'était okay. RTL TVI, voilà, le 20h. On dirait un peu le pirate. 19h30. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un personnage. Oui, c'est vrai. C'est l'accent qui fait ça. Bon, alors si je comprends, on visite la maison de Jacques, c'est ça. Voilà, c'est ici qu'on dort. Et c'est là qu'on met tout le matériel pour se droguer. Voilà. Attendez, on est quand même au 19h30. C'est un peu brut là. Ouais, c'est un peu compliqué quoi. La drogue? Attendez, mon cerveau est planté, moi je comprends plus rien là-dedans. De quoi il parle? Voici la cheminée, moi je ne l'utilise pas, mais en bas, il y a une cheminée similaire. S'il y a de la suie, ça peut faire un feu de cheminée, il y a tout qui flotte. Regardez, tout ça, c'est du bois. Et ce alors sont des poutres, etc. Là, c'est un porche et en chêne, et donc tout va flamber. Moi, je dors ici au-dessus. Je n'ai pas envie de brûler comme Jeanne d'Arc. Il y a un sujet, okay. Un thème Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ah si, je comprends en fait. Là, il dit brûler, donc les flammes montent. Oui. Okay. En fait, il a des locataires en dessous, je pense. Ok. C'est ça qu'il veut dire. Ah, okay, ah il faut comprendre. Hein, c'est... Donc, il y a des gens en bas. Bon, bah alors le journaliste va enquêter pour voir qu'est-ce qui se passe avec les locataires. Il va dans la rue, il pose la question aux gens. Vous avez peur aujourd'hui? Moi, je ne sors plus. Je ne sors plus toute seule, je regrette. Il va falloir qu'on ait un pistolet dans la poche. Ah ouais, un poche. Bon, alors, ça a l'air dangereux par là. Je ne comprends pas du tout les gens qui vivent en dessous de chez Jacques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on pourrait avoir le fin mot de l'histoire, RTL? Il y a une grippe, on n'a pas qu'y rentre. Pour ne pas qu'on sache rentrer au niveau du premier étage. Pas question que les dealers du dessous n'arrive un jour dans son salon. Ah, ouais, là, c'est, okay. Là, ça paraît logique. Oui, d'accord. Quand on leur a tout dit aussi. Tu sais que durant les 5 minutes du reportage que j'ai vu en entier, je me suis cru dans une émission striptease. C'est émission là, pour ceux qui connaissent pas, c'était vraiment en fait sans aucun commentaire, on suivait des gens dans leur vie, on constatait, c'est ça leur vie. Et puis, parfois c'était un peu choquant parce qu'on s'attendait pas à avoir une réalité comme ça. C'était un peu la télé-réalité entre guillemets de l'époque. C'est ça. Mais c'est fou, moi tu sais que il y a ça sur Amazon Prime. striptease. Donc t'as tout regardé, ouais. Je les ai tous regardés. 50 épisodes. T'as tout séché, là. Oh là là, c'était bon. Bah, merci RTL pour ça. Hein. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Vous passez une bonne soirée, bah, j'espère. En tout cas, 20h49, ça y est, là, on attaque le lourd, la deuxième partie de l'émission, oui. Juste après l'interview combinée. Tu connais ? Bah oui, forcément, t'es dans l'émission. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet ? Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. C'est vrai, c'est moi ça. Bon bah très bien, parfait. L'interview combinée, le principe est simple. On prend une interview du média Combini et on n'en garde que les réponses des artistes ou des personnages interrogés pour faire des questions plus drôles. Du moins, en théorie, ouais. On essaye. Si c'est pas plus drôle, c'est pas grave. Mais on essaye que ce soit drôle. Et c'est un jeu assez marrant parce que vous pouvez le faire chez vous, hein. Vous prenez la réponse, vous essayez de faire une question plus drôle. Bref, c'est assez marrant et ça change un peu du quotidien. L'important maintenant, c'est que ça va, t'es avec tout. Ouais, je suis avec toi. En forme toujours. Il a ce regard une fois par émission. Il faut savoir qu'à un moment, il nous quitte. Il a le regard vide. Il débarque sur une autre planète comme ça, comme si il atterrit sur je sais pas. Rendez-vous Mars, en terre inconnue. Ouais, c'est ça. Et là, d'un coup. Ses yeux se vident. Bonsoir, bienvenue. Je suis actuellement dans ma tête. Waouh. Il y a tout ça dedans. Oui. Ça résonne, non, un peu. Écho. Bref, interview combinée, c'est simple. Le moins drôle d'entre nous se prendra un coup de... Combinons. Combiné. Celui-là, on le garde. Il fallait sortir. Hein. On le garde. Alors, bah, on ça y est, chaque émission. Ouais, ouais. Alors, 20h50. Allez, hop. C'est parti, on va l'entendre dans chaque émission. Ça, t'inquiète pas. On est bons camarades, hein, évidemment. Oui, bah oui. On va jouer cette semaine avec Pomme, la chanteuse, qui nous racontait ses problèmes mentaux. Pomme, ceux qui ne vous la connaissaient pas, eh ben, elle chante ça. J'attends ton envie qu'elle ressuscite. Ça, c'était avec Ben Mazuet. Elle chantait aussi ça. C'est pas tout, elle a aussi sorti ça. Autant vous dire que c'est sa première diffusion sur KIF. voici la première réponse à la question. Parce que c'est beaucoup moins tabou. Voilà. T'as quelque chose ? Oui, c'est très nul, hein, je préviens, mais pourquoi tu as choisi de t'appeler Pomme et pas Poire ? Parce que c'est beaucoup moins tabou. Oh, ça marche. Poire qui pourrait être un synonyme de partie. Du coup, ça peut être tabou. Mais justifie pas. Quand on justifie vrai, la blague, je ne dis rien. Allez, rien pour ça. Voilà, aïe. Déjà, merci à tous. Moi, j'avais. Pourquoi tu ne m'as pas prêté ta robe ? Parce que c'est beaucoup moins tabou. Voilà, c'est vrai, efficace. Bon. On peut le faire. Deuxième réponse. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'en parler à quelqu'un. Les excès de colère de Bigard, tu en penses quoi ? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'en parler à quelqu'un. Vos envies de brûler au chalumeau, les gens de l'équipe. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'en parler à quelqu'un. En numéro 3, on a quoi ? Ça ne fera qu'empirer, je pense. Si je donne un chewing-gum à quelqu'un qui pue de la gueule. Ça ne fera qu'empirer, je pense. Alors moi, j'avais... Qui s'est perdu dedans cette semaine ? Ça ne fera qu'empirer, je pense. Ouais. Alors on fait la quatrième. Même très proche. Oui, j'avais. Vous voulez venir un petit peu plus près de moi, me rapprocher pour cette interview. Même très proche. Oh bah dis donc, Pomme. Et toi t'as quoi? Ouais. Est-ce que vous le sentez le Jadoul là? Même très proche. Ah bah ah, oui. Moi on me sent des kilomètres. Hein. Et tu sais quoi, on n'a pas été très bon cette semaine. C'est vrai. Allez, un petit coup. Pour nous deux, bim, ouais, ça c'est fait. On va attaquer notre gros sujet, l'argent liquide. Bientôt la fin de l'argent liquide, enfin du moins c'est ce qu'on pense. Avec toute la technologie qui évolue, on fait le débrief de tout ça dans un instant. Ça se passe juste après ça. Je regardais en fait. Je t'ai perdu, mais je savais pas si on envoyait un titre ou la pub. Donc voilà, on envoie. Tu vas faire quoi du coup ? On envoie un titre. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Hey, let's go. Ah, on voyage avec ce titre, franchement, moi là j'avais déjà la tête, on sent tout petit à côté d'un titre comme ça. Dans un instant, Zegpé sera là. Zegpé, tu l'as bien dit, bravo, t'as vu, cette fois-ci on fait pas les cons. Si vous voulez savoir pourquoi on en parle, bah, il suffit de se brancher sur les podcasts, hein, bon, merde. Hein. C'est vrai. Il y aura aussi Rosalia dans un instant et l'homme pâle, j'adore. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Oui, le FaceTime, j'adore cette séquence, c'est un grand moment. On vous expliquera de fond en comble le principe de cette séquence, mais d'abord, qui c'est qui ton invité cette semaine ? Alors, Alors c'est Gazo. Et actuellement je suis devant un cash converter. Alors pour expliquer un petit peu, vous savez, c'est ce magasin qui revend de l'occasion. Il y a du neuf, il y a de l'occasion, mais généralement là, c'est de l'occasion. Ok. Où Gazo vient justement de trouver un travail en plus de faire du rap. D'ailleurs, Gazo, il faut pas confondre avec Gazou. Gazou. Oui. Ton amour est tombé sur mon âme épuisée comme une goutte de rosée sur une feuille morte abandonnée au... Gazou. Il y a un délire, hein. Ah, j'aime beaucoup. Il y a un délire. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries, je vais tout de suite rentrer dans le magasin pour en savoir un petit peu plus sur son nouveau job. Là. C'est en train de rentrer. Ah bah, le voilà justement. Salut Gazou, tu vas bien? Eh oui, c'est moi, Kix. Je viens justement voir ce que tu fais. Sympa, ce jugement déjà dès le départ. Tu fais quoi de beau? J'attends les nouvelles cargaisons. C'est quoi le principe du magasin en fait? On achète, on revend. En neuf, en occasion? Occasion. Ah bah c'est top ça. Ici je suppose qu'il y a moyen de trouver des chouettes cadeaux pour les fêtes, en plus pas trop cher. Dis, tu as si honte de ça de moi ou quoi que tu me regardes dans les yeux? J'ai pas compris. Dis, tu as si honte de moi que tu ne me regardes pas droit dans les yeux? Je crois que je t'ai vu. Bah non, j'en suis sûr. Je parie que tu ne sais même pas où je me positionne actuellement. Là. Tu vois, je savais là. Bien, tu me regardes pas, là. Je le savais. Là. Tais-toi et profite du moment. Ah, profitez, c'est vite dit, hein. Oh, s'il est, vous vendez même des téléphones. J'ai justement changé le mien. Chez nous, t'as tout. Ouais, je vois ça, oui. Celui-ci m'intéresse. Je peux l'avoir en main, juste pour voir un petit peu comment il est. Tu diras sûrement que c'est de ma faute. Ah ouais, tu ne regardes pas ce que tu fais aussi, donc oui. Je me roule en grippe pour me calmer les nerfs. Ouais, il vaut mieux parce que là tu me parais un petit peu stressé quand même. Hein. C'est de ta faute. Ah oui, c'est facile, ça bah oui. Et tu comptes fumer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je taille. Ouais, très drôle. Bon bah, bonne journée à toi, alors je croise les doigts pour que ça se passe bien par la suite. En attendant, on reprend la suite de l'émission, on s'arrête là? On reprend. Parfait. Oh, c'est pas mal. Parfait. Jusqu'à ce que je taille. Mission, il va falloir que j'y aille. Alors, je vais essayer de ne pas bafouiller pour une fois. Ouais. La prochaine fois, j'essaierai. À chaque fois, c'est pas possible. J'ai une patate chaude dans la bouche en fait. Ouais, on va se le raconter. En fait, il se met une pression de fou pour cette séquence. Et il hors antenne, s'il le répète, il le fait très très bien. Mais dès qu'il a l'antenne, il y a une espèce d'embouteillage. Vous savez, un péage où les voyelles et les consonnes voilà. s'entrechoquent. Et ça crée un espèce de. Vous savez. Voilà, ça se confronte. Ça fait ouais, et d'un coup, bah, voilà, il y a tous les mots qui sortent en même temps. Mais c'est pas grave. Et on a bien aimé cette séquence. À retrouver en podcast, comme d'habitude, La Trappe en podcast sur toutes les plateformes. On remet ça la semaine prochaine, tu veux bien? Bah, bien sûr. C'est l'homme pâle, comme promis. ZECP suivra. On a plein de belles choses pour vous. Faut pas débrancher la radio. Je le connais quasi par cœur, ce nouvel album de L'Homme Pâle. Bah, je suis fan de l'artiste, je sais pas ce que t'en penses toi-même. Tu dis ça à chaque émission comme moi? Non, t'as vu que moi si je le dis bien, vraiment ouais. Que quand c'est sincère et quand bah, je moi aussi vraiment. Oui. Mais c'est aussi. Vrai, hein oui. Parce que j'aime beaucoup les artistes et tout. Ouais. Ma mère est pompière. Hein. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous pouvez pas faire un jingle plus long que je prenne la suite là. Attendez, j'étais en train de récupérer tous mes moyens. Voilà. Je devais vous parler en attendant que je retrouve mes feuilles. J'ai été faire un resto et ça fait partie de ces trucs qui m'énervent. Mais vraiment profondément, c'est les restos où oui. Les chaises sont trop basses par rapport à la hauteur de la table. Ouais. Ça me saoule, j'ai l'impression, tu sais, que la table où tu manges, c'est un racloir où tu mets dans ta bouche. Ouais, tu manges l'assiette en fait. C'est ça, et tu manges l'assiette, et vraiment, t'as les couverts dans le nez, ça m'énerve. Et en plus, tu fais genre dans l'air, tu fais oh, ça a l'air beau. Bah oui, ça a l'air, oui. Ah, bah oui, tu vois, ça a l'air. Le truc, là, l'assiette, tu la connais par cœur. Et c'est même gênant parce que déjà, t'as l'air d'un enfant dans un rehausseur, enfin, c'est horrible. Et quand t'es avec des gens et tout, enfin. Bref, rien ne va. Alors, j'étais dans un resto, là, une brasserie, pas loin de chez moi, et j'ai volé tous les coussins qu'il y avait sur tous les sièges autour. Voilà, comme ça, maintenant, vous savez, c'est qui a volé vos coussins. Et j'en ai mis 12 sous mes fesses juste pour avoir une hauteur correcte. Et ben, je retrouve ce sentiment avec la chaise que j'ai ici. Comme ça, je le dis. Non, c'est une belle transition. Non, mais la table est trop haute par rapport à moi. Voilà, soit je suis trop petit, enfin, je suis 1m82. C'est pour ça, moi, je préfère rester debout. Ah, ouais. Là, t'as une vue d'ensemble. C'est vrai. Non mais alors si je me mets debout après tu vas dire ah, je te prends de haut. Ouais, bah tu me prends de haut, tu es monté. Allez, sur hop là, je me rassois. Non mais on a une petite plateforme tirée au sort comme ça pour moi. On va le mettre tout à l'heure. Voilà. Comme ça vous savez les coulisses de l'émission. Ouais. Hein, au final, voilà. Hein, on est comme ça. Il s'adapte au Jadoul. Hein. Non, ben moi je m'adapte aussi beaucoup. Hein, voilà. Chacun fait un effort, tu vois. Il est temps de faire notre séquence OK Boomer. Une rumeur est tombée. Il paraît que la PlayStation 5 va se décliner. T'es PlayStation, toi un peu, Kicks ou pas Pas du tout. Non, non. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Et je suis resté à la vieille Xbox, moi. Ah ouais, c'est vraiment la vieille Xbox. Hein. C'est l'ancêtre de la PS ou pas du tout? Pas du tout, c'est deux mondes différents. Voilà, parfait. Enfin, il y a PlayStation et Xbox. Mais moi, je suis vraiment sur la toute vieille Xbox. Je crois que c'est la Xbox One. Non, même pas la Xbox One. Je sais plus c'est laquelle. Enfin, bref. Ok, bon, bah, bref. T'es pas très PS5. Alors, bon, j'ai déjà eu tout plein de potes autour de moi qui étaient là en mode on n'arrive pas à avoir la PS5. Pénurie. Ça a duré deux ans. C'est un truc de dingue. Deux ans de pénurie, mais c'était incroyable. Bon, après Covid, tout ça, on connaît, mais bon. Et à un moment, il y a des limites. Bref, il y a une rumeur qui est tombée. Il y aurait une version amincie de la PlayStation 5 de la part de Sony qui serait en cours. Voilà, ça y est. Sony pourrait dévoiler cette nouvelle version dès l'année prochaine. Un nouveau modèle disposant d'un châssis avec un lecteur amovible permettant d'alléger la console et qui est, il faut pas se le cacher, une PlayStation c'est massif, c'est une grosse boîte comme ça, un peu plus gros qu'un décodeur. Hein. Mais en théorie, t'es pas censé porter non plus la PlayStation. La PlayStation. Non mais t'es pas censé la porter. Alors 20. Ah, ça y est, deuxième bafouillage. Et mince. Là j'en prends pour mon grade. On va les garder. J'en dirai plus. Collectionner. Oh là là. On va faire une musique. Ah bah dans le football. On va les compiler. Bref, ça serait une nouvelle séquence. PlayStation 5, je sais pas si c'est votre délire ou pas, dites-nous 02 315 1015. On va lire tous vos messages d'ailleurs qui arrivent dans quelques instants pour le sujet du jour. En attendant, là, selon cette rumeur, cette PlayStation allégée avec un nouveau look permettrait également de faire l'impasse sur le socle et les panneaux latéraux amovibles. Et ça, selon les estimations, permettrait de livrer 30 millions de nouvelles consoles pour 2023, donc encore des beaux déchets, hein, tout ça, soit 18,5 millions de nouvelles déclinaisons. Donc ça pourrait bien se vendre, cette version allégée, puisqu'au final, avec tout ce qui se télécharge, maintenant il n'y a plus besoin d'un lecteur théoriquement en CD pour mettre le jeu et tout à l'ancienne, comme la cartouche, quoi, un peu relou. Enfin, quoi qu'il en soit, 2023 sera une année assez costaud pour Sony, parce qu'il y aura aussi une année marquée par l'arrivée du casque PSVR 2, attendu pour le 22 février 2023. Le casque coûtera plus cher que la console, donc voilà, il faudra déjà prévoir 600€. Plus cher que la console. Ouais, c'est fou. C'est possible ça. Bah, c'est comme si t'achètes une télé et qu'on te dit, mais non, là, par contre, la télécommande, c'est le double du prix. Ouais, c'est fou. C'est absurde. Mais c'est le même principe. Ouais, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on note ça à la prod pour préparer ça pour la semaine prochaine. Bah, si tu veux, tu peux supprimer la page où tu mets tous mes mots et puis tous mes bafouillages, tu le jettes à la poubelle. J'écris. Tu mets les vrais mots. Non. Mais semaine prochaine, il faudrait qu'on fasse un dossier sur ça. C'est un truc qui m'a passionné. J'ai beaucoup enquêté sur ce truc. C'est les imprimantes. Ces imprimantes à 20€, ces imprimantes à 40€ qu'on offre quasi dans le marché. Les petites imprimantes, hein, HP, Epson, on peut toutes les citer. Franchement, abordable. Tout le monde en achète une. Et après, derrière ça, une cartouche, c'est combien? C'est 60€. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est 100€. Et ouais. Et à moitié rempli, hein, les cartouches. Faut pas faire semblant. Ou alors bien rempli, mais avec un microsystème intégré à la cartouche qui permet de faire semblant qu'elle est vide. Et même, de toute façon, même quand tu l'achètes en neuf, tu la laisses X temps, bah après ça sèche directement, ça. Et c'est aussi foutu. Enfin, entre guillemets, ça sèche, oui. Parce qu'il y a une grande arnaque et il y a eu un youtubeur qui a fait une superbe enquête là-dessus. On va vous résumer tout ça pour la semaine prochaine. C'est noté? C'est noté. Ça. Allez, parfait, on va préparer ça pour la semaine prochaine. Mais on a la poubelle. J'imagine le mec. Ouais, je vais les noter, connard. Hop là. Mon sac, c'est une corbeille, tiens. Hop. Tiens. Merci. Dans quelques instants, on va avoir un Christ cosmique dans cette émission. Oui, il faut le dire très fort parce qu'il vient d'un autre univers. Oui, je viens de voir le nom là sur ma fiche. Okay, oui. Ça va être pas mal. Oui. On va avoir ça. Et puis des cadeaux arrivent dans un instant. Vos messages vocaux, bref, un programme encore très chargé. Plein de belles choses pour vous. Ce soir, ça va être encore une très grande émission. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Waouh! Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Money, money, money. Si jamais l'argent liquide, vous pensez que c'est fini pour cette monnaie, vous pensez que le cash, on va le foutre au coffre et passer uniquement au paiement électronique. Voici mon compte en banque. Je vous invite à envoyer un petit message 02 315 10 15. On fait le topo d'ici quelques instants parce que ça peut être intéressant. Il y a des gens qui ne peuvent pas se séparer de l'argent liquide parce qu'ils ont du mal à le gérer. Ouais. Enfin bref, moi j'ai su faire la transition, mais ah oui, j'en dis pas plus. Bon, on en parlera dans un instant. Rosalia sera là. ZECP maintenant, Hamza SCH. Tu sais, ça fait partie de ces complexes où tu te dis, est-ce que je suis de plus en plus sourd ou est-ce que je dois augmenter mon casque à chaque fois? Tu vois, ça, j'ai l'impression que je deviens sourd en fait. Ouais. Bah c'est possible. Hein. Ouais. Je sais pas. Merci pour ton avis. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Alors aujourd'hui, c'était un jour qui a impacté beaucoup de monde pour tous ceux qui doivent aller travailler, qui dépendent des transports en commun. Oh là je là. Confirme. Oh là là. Bonjour à toutes et tous. Mercredi 9 novembre, la Belgique tourne au ralenti. C'est jour de grève. Et plus qu'au ralenti, oh là là, il y a eu des organisations à faire. On devait avoir plus de monde autour de cette table. On fait en équipe réduite aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas grave. Toi, tu t'es organisé. T'es venu hier à Bruxelles pour être sûr de ne pas être impacté. J'ai trouvé refuge. Tu vas devoir, sous un pont. Tu vas devoir repartir demain. Enfin bref, encore une belle galère qui t'attend. Alors, la RTBF est partie enquêter. Tiens, qui, quoi, comment, sur le terrain. J'étais au courant qu'il y avait une grève. Mais d'habitude, les fois précédentes, il y avait toujours un service alternatif. Il y avait quand même quelques trains qui roulaient. Donc, j'étais prêt à prendre mon mal en patience. Mais ici, à ce point, vide comme ça, non. Voilà. Et là, vous allez faire quoi? Vous rentrez? Je rentre chez moi. Voilà, c'est plus simple. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Mais c'est mieux, oui. Mais tu te rends compte l'angoisse que c'est? Moi, il m'est déjà arrivé des matins où je suis pas du tout connecté à l'actualité, j'en ai rien à me ça t'arrive de ce qui se passe. Vraiment, oui. Eh ben, j'habitais Forêt avant. Alors, pour ceux qui connaissent bien Bruxelles, je vais faire Forêt, Rogier et Vert. Ok. Ce qui est un périple de une heure en transport en commun. Quand même. Voilà. Ouais, faut aimer. Et il y a une correspondance à Rogier. Hein, c'est un peu le point central, le nœud de croisement de tous les transports. Eh ben, parfois, ça roulait très bien de Forêt jusqu'à Rogier. Et j'arrive à Rogier. Et là, je suis comme un con parce qu'il n'y a aucun transport. Et donc, dis-toi qu'il m'est déjà arrivé de faire à pied Rogier et Vert. Ou en trottinette s'il y en avait. Ouais, ça fait du bien. Oh là là, ça te fait du bien, ça te fait faire du sport. En plein hiver, j'étais gelé. Je me suis arrêté en plein chemin parce que j'avais pas de gants. Sauf que quand tu roules très vite avec une trottinette, avec les mains nues comme ça, quand il gèle, t'as plus de doigts. Ouais. Ça, je te dis, les doigts, tu les oublies. Je confirme, le doigt et les doigts de pied. Ouais, ça, j'ai moins le problème. C'est plus compliqué. Mais franchement, horrible. Horrible, horrible. Et pour ceux qui dépendent aussi de la STIB, hein, voilà, ils ont été très clairs. Faites attention, attention, à Bruxelles, la STIB ne roule pas. Hein. Merci. Ça, c'est l'accent. On soit bien informé. Hein. Ah, sans ceci. Ça, c'est de l'info. Hein. Faites attention, à Bruxelles, la STIB ne roule pas. Hein. Et moi, j'ai vu des bus STIB rouler. À quelques-uns, peut-être, à mon avis, un service minimum. Il y en avait que quelques-uns, oui. Ah, voilà. Évidemment, ceux que moi je devais prendre ne circulaient pas. Mais franchement, j'ai épluché 4 articles. Alors moi, je remets pas du tout en cause le droit de grève. Hein. Vous avez tous le droit de faire vos revendications, bloquer le pays et bloquer les gens qui bossent. Mais je trouve vraiment que c'est compliqué de savoir pourquoi les gens sont dans la rue. Ok, le pouvoir d'achat, les temps sont compliqués, mais qu'est-ce qu'ils veulent réellement? À part faire du bruit, je comprends pas. Alors j'ai été interroger les gens là, qui chantaient avec leur banderole. Nos revendications, avoir plus de pognon, la la la la, on l'aura pas dans le furon. Hey, hey. La, la, la, la, la. Ouais, on va peut-être revoir la fin de la chanson là, parce que... C'est sympa, faudrait les inviter. Non, c'est le palmacho, hein, voilà. Il fallait faire une vanne, évidemment, parce que c'est très triste hein, tout ça. Non, mais c'est vrai, franchement, j'ai jamais vu, déjà que ça roule très mal quand c'est les temps normaux à Bruxelles avec les transports. Et je dis pas, hein, les conducteurs, ils y sont pour rien, ils font ce qu'ils peuvent et ils font avec les moyens et les plans de transport qu'on leur donne. Mais je trouve que c'est vraiment compliqué. Bah ouais, ça pénalise un peu tout le monde. Après, bon, c'est un peu le principe aussi. Mais bon. Oui, mais quelque part, quand tu vois que t'as 3 sociétés de transport sur Bruxelles, tu as les Delane, tu as les STIB. Je m'étouffe. Et t'as les tech. Voilà, ils ont un morceau sur les lunettes. Et non, mais franchement, c'est très compliqué. Alors bon, les STIB, franchement, STIB, je trouve que c'est les gens les moins relous. Et ils sont là, ils sont plus ou moins dans les temps. Et au final, il y en a un toutes les 10 minutes quasi. Ouais, ouais, les métros, ils roulaient. Ouais. Les Delane, j'ai jamais vu des gens aussi en retard, aussi bizarres dans leur manière de faire leurs horaires. Des fois, il y en a 3 qui suivent. Et durant 1h30, t'en as pas un seul qui passe à l'arrêt. Et c'est fou. Et. En revanche, eux, ils sont plus attentifs sur le contrôle des tickets. Depuis qu'il n'y a plus les cloisons là autour du chauffeur. Ok. Oui, il y a plus de vérifications là. J'ai vu un petit vieux, voilà, un monsieur extrêmement touchant qui avait juste du mal à sortir son portefeuille pour montrer sa preuve de transport. Ok. Le chauffeur a accéléré et freiné brusquement pour faire tomber le mec. Ouais, c'est n'importe quoi. À quel point il faut être débile pour faire ça. Alors je dis pas que tout le monde est pareil et que voilà, mais il y a un moment où franchement, moi ça m'a choqué et ce jour-là j'ai dit ok, allez les deux lanes c'est terminé, moi je prends plus. Mais c'est dommage parce que franchement, il y en a qui sont super à l'heure, il y en a qui sont à l'avance, il y en a qui voilà. Ouais, il y en a qui respectent tout simplement. Et puis t'as des cons, mais ça c'est comme partout. Ouais. Voilà, comme dans ce studio. Ouais, tu me regardes. Énorme. Bon, ce que je te propose de faire, c'est dans un instant un petit tour sur les messages vocaux. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. Hein. Maintenant, t'as Kevin qui nous écrit et qui nous dit bonsoir Kevin. Je comprends rien à Apple Pay. Oui, bah c'est vrai que il faut le configurer. Une fois que l'étape de configuration est passée, on arrive à démêler. Non, ça c'est pas mal ça. Mais ça on va pas le garder ça bien sûr. Non ça là il y a plus de fiches hein, pour ça sur la feuille à bafouille. Ah, tu vas pas le noter hein. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que c'est très compliqué de s'en sortir des fois avec tout ça. Bon bref. Ouais. On va approfondir le sujet. Toi t'es plutôt argent liquide ou argent cash ? Maintenant je suis devenu complètement cash. Ah ouais. Enfin la carte de crédit parce que liquide et cash c'est la même chose. Cash. Bah, tu m'as dit quoi, liquide ou cash? Oui, c'est la même chose. Pareil. Oui. C'est pour ça. Non, moi c'est tout ce qui. Tu me juges là? Tu me juges? Oui. Allez, je me rattrape. Ouais, c'est ça. Non, maintenant j'ai quasiment plus de liquide. Et d'ailleurs, c'est pas terrible parce que bah comme la dernière fois que je devais prendre les bus, où là il faut payer en liquide si on n'est pas dans la STIB. Ah oui. Là, c'est un peu plus dérangeant. Parce que les vieux bus tech, ils prennent pas tous sa carte. En revanche, c'est vrai que la STIB, ils ont fait un truc génial. Ça s'appelle le bipé payé là. Et franchement, c'est génial parce que je leur ai inventé un nom. Hein, c'est cadeau. Bipé payé. Bipé payé. Non mais ça, c'est tellement pratique parce que t'as pas besoin de stresser, de dire mince, y a pas de borne, y a rien. Là, tu rentres dedans, t'es tranquille, tu payes. Mais tu sais quoi, j'étais avec un pote l'autre jour dans Bruxelles qui n'a pas l'habitude de tout ça. Il a juste eu à scanner sa carte, pas besoin de titre de transport, de machin et tout. Il scanne sa carte bancaire, ça lui fait le titre de transport et il a payé et puis il est tranquille. Et franchement, ça, je trouve ça génial. C'est tellement plus simple, plus rapide. Il faut le reconnaître. Bravo, la STIB, pour le coup. Voilà, merci. Bravo, monsieur Dan. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. On peut même vous applaudir. Ça le fait bien. Ouais. Ouais, je m'auto applaudis pour faire joli. Bye. Oh, on va vous gâter. On a le Christ cosmique qui sera avec nous dans quelques instants. On doit le faire maintenant, mais on est à la bourre. On a tellement traîné à. J'ai hâte de découvrir ça. À parler de tout ça, c'est pas grave. On le fera d'ici quelques instants. On va parler aussi d'une nouvelle application concurrente à It's Me. Il était temps. Enfin, plus le monopole. Julien Doré sera aussi avec nous. Enfin, on va décrypter un moment de Julien Doré. Il a pas fait le déplacement aussi à Bruxelles pour nous. Et on aura encore la suite de ce débat. Argent liquide ou pas? Bientôt la fin. Oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passera tout ça avant le Blind Clet qui arrive aussi. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Avec le crypto troquet de Jean-Michel qui sera aussi là, il est en très grande forme comme chaque semaine. Vous savez, il y a toujours un bruit si vous tendez bien l'oreille. Qui paraît de savoir qu'il arrive. Ça, on sait ce que c'est, indirectement. Ouais, on connaît. C'est un peu comme la petite clochette, là. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, il est là et on le sent arriver. Ouais. Ça sent le rendre d'ailleurs. C'est ça. Bon, on va vous offrir un très très beau cadeau sur KIF cette semaine. Et oui, si vous avez envie de vacances, bah c'est simple. Vous écoutez KIF et on vous fait gagner tout simplement des billets d'avion pour participer à un city trip. Ce dans l'une des plus belles capitales d'Europe, que ce soit à Londres, à Madrid, à Rome, en Grèce, Budapest, peu importe. Tout ça, c'est pour deux personnes et il faut tout simplement envoyer VOL, V-O-L, par SMS au 60-07. C'est 1 euro par message envoyé et reçu, l'ai bien dit. En gros, on envoie simplement VOL au 60-07. Voilà. Et on peut remporter, comme ça, un city trip. Pour deux personnes. Mais c'est génial. C'est magnifique. Et on peut jouer, nous? Non, on peut pas. Malheureusement, on ne peut pas. Oh, j'aurais bien aimé. C'est pas grave, c'est pour vous. N'hésitez pas à envoyer un petit SMS. VOL au 60-07. On se retrouve après ça. C'est la trappe. We'll be right back. Jadoul sur KF. 30 minutes de retard dans cette émission. 30 minutes, on est en forme, 30 minutes de retard. Oh là là, mais plus ça va, plus on fait n'importe quoi. Mais c'est ça que j'aime. Tu sais quoi ? Non, c'est ce décalage qu'il y a dans cette émission que j'aime beaucoup. J'avoue. Tu vois, on se prend pas la tête, ça la cool. Au moins, on profite. Mais c'est ça. Et marre de ces radios où on est cadenassé dans des trucs et dans des codes et des machins. Ça chie. Non, mais c'est vrai, là au moins, ouais, on est à la cool, tout va bien. 21h31, vous êtes dans Bruxelles, vous êtes partout dans le monde via kif.be. Vous êtes en podcast, vous nous écoutez en différé, ça fait plaisir de vous croiser ici. La Trappe, votre émission, Kik c'est là. Et oui, toujours en forme. Je m'appelle Jadoul, on a plein de belles choses pour vous. Alors, on a reçu un message, je sais pas si tu le connais, tu vas peut-être le reconnaître à la voix. Bonjour client, je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique Elvita, le président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Mais il est possible de faire ça avec tout le monde ou pourquoi? Bah, Kilian. Oui, bah c'est pour toi, c'est un message pour toi. Ouais. Bonjour Kilian. Ouais, mais c'est spécialement fait pour toi. Donc, comme Francky Vincent il y a quelques semaines. Et Kiki, ouais. C'est ça. Bon, sympa. Alors, il est là pour toi, notre grand monarque. Francky Vincent, mais c'est sympa. Ouais, voilà, c'est le grand Christ cosmique, le Messie, le Pape, le Pape Pierre, le président de la gouvernance, le papier peint, la machin, la truc. Sylvain Durif, un des personnages les plus connus sur Internet. Ce message de la part d'un de vos amis. Et il me précise également que vous habitez à Volnavay-le-Haut. Volnavay-le-Haut, pardon. Oh, c'est je ne sais pas où ça se trouve. Non, moi non plus. Franchement, je ne vois pas du tout. On peut en venir au fait, peut-être, Sylvain, là, parce que ça devient long, votre dédicace. J'ai rejoint le Québec en partant sans argent, juste avec un sac à dos et un sac de sport. Ouais, mais rempli de quelques vêtements, un arc de chasse et quelques couteaux. Quoi ? Oula ! Je pensais devoir chasser dans la forêt étant sans argent. Et en arrivant sur place, la vie en a voulu autrement. Quelqu'un m'a donné de l'argent et j'ai pu rester quelques mois à Montréal avant de rejoindre un petit village en Lanaudière, voilà, où j'ai vécu pendant 3 semaines au bord du lac Sauvage à Saint-Zénon avant de pouvoir emménager quelque part. Voilà. Ok. Il a fini par devenir sauvage, d'après ce que je peux comprendre. Ah, mais c'est super passionnant. Pour avancer un peu plus vite dans cette séquence, s'il vous plaît. Et je vous souhaite donc tout le bonheur, une excellente continuation et plein de succès au plan personnel comme professionnel, client. Merci. Une belle escalade où que vous alliez dans le monde pour escalader, puisque c'est votre passion. Oui, au c'est vrai. Client. Merci bien. Franchement, ça me touche. Ah, bienvenue dans sa secte. Il a réussi à te convertir ou pas, le grand monarque, le Christ cosmique? Ah, il y a moyen, il y a un délire. Ouais. Oh là là, je vais y réfléchir encore un petit peu, mais voilà. On va encore t'en prévoir d'autres, des surprises comme ça. Avec d'autres personnages. Je me demande qui je vais faire venir la semaine prochaine. Ah là là. Ah, plus ça va, plus on a du beau monde. J'avoue, ça sent pire. Autant on avait Francky Vincent avant, bon, on le connaissait. Là, Sylvain Durif, ça devient très compliqué. Il a quand même été connu. Hein. Oui, il a buzzé, il a buzzé. Ça a été éphémère, c'était quoi, en 2015 et on n'en a plus parlé. Je me souviens que j'avais fait une émission en 2016, je crois, déjà sur lui. D'ailleurs, est-ce qu'il vit encore? C'est la question. Ah oui, mais ça, c'était la semaine dernière, ça. Ah, ok. Ah, mais c'était pour toi. Oui, attends. Bah oui, ça va, je suis bête. Avoir des contacts et tout. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on écoute de la musique, c'est une bonne idée. On va voir Jean-Michel. Jean-Michel, vous êtes dans le coin? Est-ce que vous êtes là? J'arrive. Oh là là, deux minutes. Oui, lâchez la porte, vous allez faire encore plein de traces sur la fenêtre et on n'arrivera pas à tout revoir. Non, il ne vaut mieux pas, sinon je tombe. Ah oui, ça, j'avais pas pensé à ce petit détail. Bon, écoutez, Jean-Michel, restez dans le coin. Ce que je vous propose de faire, c'est de préparer parce que vous avez une grosse séquence quand même qui vous attend. Ça marche. Oui. Oula, il est encore très en forme. Bon, c'est pas grave, vous restez avec nous. Parfait, nous, on n'a pas prévu de bouger. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. Voici RK. Oh, ça y est! Oui! Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Doul? Oh là là! On va laisser jusqu'au bout quand même, RK. Il est temps de vous accueillir. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow! Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Comme chaque semaine, on va aller prendre de ses nouvelles. On le retrouve dans son crypto-troquet. C'est un troquet, c'est un bistrot de tout ce qui est plus basique. Mais comme on est dans une émission connectée, c'est un crypto-troquet. Jean-Michel, il a des coups de cœur, des coups de gueule. Et il est avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Doul. Vous venez pas avec votre accordéon aujourd'hui? Ah non, je l'ai bouillé, je l'ai oublié dans la voiture. Vous l'avez bouilli dans la voiture? J'ai bouilli dans la voiture. Bon, on va le refaire, c'est pas grave. J'ai bouilli la voiture. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir mon Jean-Doul. Ah, là c'est le vrai Jean-Michel tel qu'on l'aime. Je suis en forme ce soir. C'est vrai, vous allez bien? Je vais très très bien. Et vous-même? Oh bah, moi ça va très très bien, tout va bien. Bah. Et encore mieux que depuis que vous êtes rentré dans ce studio. C'est vrai? Oui, vraiment. Mais elle n'est pas là? Qui ça? Bah, votre sincérité, hein. Je ne la trouve pas. Non, je ne la vois pas. Maintenant, je ris, mon Jean-Doul. Ah ouais, il me semblait bien parce que j'ai eu très peur. Et ça ne vous ressemble pas, ça. Ça dépend. Ça dépend des jours. Dis, je suis tombé sur une information tout à l'heure. Oh là là, de quoi ça va parler, ça? Bah, je me suis dit que ça pourrait fortement inspirer la SNCB, hein. Il n'y a jamais de place dans les trains. Ça, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, vous avez le sujet, l'info, ici, quelque chose? Oui, hein. Mais j'aimerais vous le faire deviner d'abord, hein. Un peu à la façon de Julien Lepers. Oh non, vous allez pas nous faire ça, quand même. Ah, si. Oh là là, vous avez tout prévu? Bah oui, je vois. Comme d'habitude. Non, mais Jean-Michel. Oh. Attention, top! Je me suis déroulé dans les Alpes suisses, j'ai franchi 22 tunnels et 48 ponts, je viens de fêter mes 175 ans, et c'est à cette occasion que l'on m'a inauguré. Je détrône le record de Belgique datant des années 1990, je suis... Je dirais proche d'un infarctus. Est-ce que proche d'un infarctus est une bonne réponse? Attention, verdict. Oh, je buzz. Oui. J'ai pas dit ça, c'était une blague en fait. Ah, je veux dire que la réponse c'est le record du monde du plus long train de passagers. Et je dis oui. Bonne réponse, Jean-Doul. Bien joué. Je gagne quoi avec ça? Alors, vous gagnez le droit de lire l'info à nos auditeurs. Toutes mes félicitations. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais c'est pourri. Bon, sympathique. Ah non, attendez, allez. Très sympathique, moi, Jean-Doul. Truc, là, ouais, merci. Allez, placez-moi votre info, là. Voilà. L'événement a été célébré le 29 octobre 2022 à l'occasion du 175e anniversaire du système ferroviaire helvétique. Oh là là, c'est technique votre truc. Alors bon, le train est composé de 1,910 mètres de long, contenant 150 passagers à bord, et composé de 25 rames assemblées. Blablabla. Le parcours est de 25 km en moins 45 minutes de Préda et Alvenau dans le canton de Grison. Je comprends rien à ce qu'il y a écrit dans votre truc. Le train. Vous en avez bu avant de venir aussi, vous. Vous attendez déjà que je vous ai jamais entendu parler aussi vite que durant les questions. On va se calmer, hein, Jean-Michel. Alors le train a fait plusieurs centaines de mètres. De plus que le précédent record établi en Belgique dans les années 1990, on avait le record belge. Et oui, ils l'ont battu, Jean-Doul, ils l'ont battu. Oh non. Cette pauvre Belgique qui gagnait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont battu le record. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais quel pays a battu le record? Mais c'est la Suisse. Ah. Et ouais, bah oui, bah voilà. Ça, c'est l'argent. Ouais, ça, c'est fou. Ça, malheureusement, on ne l'a plus, hein. Maintenant, je mets tout dans l'apéro, moi, hein. Ouais, ça c'est sûr. Bon, allez, rien que pour nous, une petite bouteille. Mettez-moi la brabançonne, s'il vous plaît. Ah. Mais ça va, c'est bon. Ça, c'est beaucoup plus sincère. Ouais. Depuis quand c'est votre hymne national, ça? Depuis toujours, hein. Bah, c'est pas vrai. Si. Moi, je vous ai toujours vu tenir votre poitrine comme ça sur ce titre. Oui, mais ça, c'est pour l'ouverture. Ah, c'est ça. Ah, et la brabançonne, c'est pour finir. Le final. Ok, j'ai mieux compris. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Ah, ça va. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Attendez, Jean-Michel, c'est un petit peu assoupi. On va voir si ça fonctionne, Jean-Michel. Ouais, c'est bon. Allez, Young Jeezy. Il est fou. Mais on l'aime. Bah oui. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Ah, je vois qu'il y en a parmi nos auditeurs là qui n'ont pas le sourire. C'est normal, il n'était pas là au début de l'émission. Tu Tu sais quelle est notre recette secrète pour faire sourire les gens? Non. Tu te souviens plus de son prénom? Blanchard éclatante. Non, c'est... J'oublie son nom. David, avec ses chansons de relaxation. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça donnait... The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Ah, et là, ça change toute une soirée. Ah, ça, j'ai déjà mis. Bon, allez, c'est pas grave. Il y a que jingle, pourquoi, en fait, ici. Mais non, mais c'est, je sais pas pourquoi. J'ai mon cerveau qui fait pas, tu vois, l'enchaînement des choses. Tu vois, je pourrais mettre 10 fois une capsule dans la machine à café sans le faire sans mon café. Sans t'en rendre compte, ouais. C'est un délire, hein, écoute. C'est drôle. Chacun ses petits soucis. Hein. Bon, on va parler de la mise à jour. Ça y est, on va parler d'une nouvelle application qui s'appelle My ID, pour à mon avis parler en anglais. C'est en gros une alternative à, je sais pas si tu utilises ce truc, mais c'est It's Me. Oui, si je l'ai. It's Me, c'est un truc qui permet de s'identifier pour accéder à l'administration. Bah là, en fait, c'est un peu le principe du Payconic. Donc tu scannes un code QR sur le site où tu veux te connecter avec ton téléphone et après tu tapes un code PIN et MyID est une alternative officielle à It's Me. Et pour ce faire, bah, c'est simple, vous téléchargez l'application MyID et l'activation se fait via votre carte d'identité. Et une fois que tout est en ordre, il devient super simple de pouvoir scanner un code QR et se connecter à n'importe quel site de service privé ou public. Et on a le directeur de MyID, j'y arrive vraiment en bas, qui dit qu'il était temps qu'il y ait un deuxième acteur fiable qui arrive sur le marché belge de l'authentification pour éviter les risques de monopole de It's Me. Okay. C'est vrai, ouais. Le gars qui sait pas se servir de It's Me ou qui n'aime pas, ou bref, on s'en fout, bah franchement, c'est bien qu'il y ait une alternative. Comme toujours, il faut toujours qu'il y ait de la concurrence, sinon c'est pas drôle. It's Me, ils sont là, ouais, c'est bon. Alors franchement, je vais parler deux secondes parce que je suis un peu développeur aussi sur le côté, voilà. Et j'ai voulu intégrer à une de mes applications It's Me. Ok. Et ben, j'ai regardé comment c'était branlé. Enfin, comment c'était fait, pardon, 21h48. Ça devient sale, ok. Non, mais franchement, c'est hors de prix de mettre It's Me dans une application. C'est, je sais pas combien par utilisateur, par connexion. C'est des montants incroyables, je n'ose imaginer. Pour It's Me ? Ah oui ! Mais c'est pas payant, It's Me. Ah, pour vous, non, les utilisateurs, non. Pour vous, les cons. Pour vous, là. Toi, le machin. Le bigard. Non, mais c'est vrai que pour l'entreprise qui intègre It's Me, c'est payant. Ok. C'est un service c'est qui bizarre. Paye. Et oui, bah, c'est comme pour tout. Une société qui a envie de mettre des badges sur ses portes, c'est payant. Et donc là, pour les développeurs aussi, c'est payant d'intégrer It's Me. Alors, je sais pas pour combien d'euros c'est par mois parce que j'ai plus le truc sous les yeux. Et ça remonte il y a quelques temps, mais franchement, je trouvais ça un peu borderline de faire payer aussi cher. Et franchement, en fait, je voulais le faire aussi pour un tarif à peu près. C'était genre, je sais pas moi, 10 cents par connexion. Ok. Mais 10 cents par connexion. Moi, je devais l'intégrer dans une application de service public. Ouais. Et j'ai fait le calcul rapidement. S'il y a 10 000 connexions par jour, tu te rends compte le budget que c'est par année? Ouais. Et surtout, s'ils sont comme toi et qu'ils mettent plusieurs capsules, comme tu disais, dans la machine à café, si tu fais pareil avec le. Ah oui. Avec It's Me. Ah, mais le couillon qui se connecte plusieurs fois. Oh là là, celui-là, il nous ruine. Je me suis connecté ou pas? Bah attends, j'y retourne. Ça va nous coûter une thune de dingue, ça. Oh là là. Bon, en parlant d'argent, on vous a posé une question. Argent liquide, bientôt la fin ou pas? J'ai Mousse qui nous dit: moi, le cash, c'est la vie. Ah bah oui, ça, il y en a qui peuvent pas s'en passer. Et puis il y en a qui sont interdits bancaires. Donc le cash, en fait, ça, c'est ça existe encore. Donc ouais, mais tu sais que moi, quand c'est des commerçants qui me disent non, on prend pas la carte, je suis dans la merde. Ouais. J'ai pas d'autre alternative. Moi, j'ai jamais de liquide sur moi. Mais c'est ça, jamais. Ça, il y a aussi ça souvent, surtout en période du Covid, parce que bah du coup, quand tu payes en liquide, on voit pas trop la valeur. Enfin, on peut mettre un peu plus s'il y a pas vraiment de taxes dessus, tu vois. Que par carte, bah t'as pas le choix. Tu payes d'office à des taxes, que sinon c'est un peu au black. Ah oui. Mais on n'a rien dit. Nous, on n'est pas là, on n'a rien dit. Non. D'ailleurs, on a reçu un vocal d'un restaurateur qui fait tout payer en liquide. Et c'est vous. Ouais, ça me l'a bien. Bon, voilà, tu nous as bien foutu dans la sauce. Voilà. On va avoir Julien Doré dans quelques instants pour un petit son qui s'est passé, qui a été viral sur TikTok. Ça se passe évidemment pas sans vous sur KIF. Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Wow. Des 20h, c'est Jadoul sur KIF. Et dans quelques instants, c'est parti, hein, hein. C'est parti, hein, hein. La grande séquence, le Blindclet, aura lieu avec les pires covers de TikTok. On vous a tout résumé, on vous a fait un truc ultra canon. Et franchement, je pense que vous allez aimer. Ah, ça y est, il a repris ses casseroles et sa flûte, il fait de la musique. C'est pas du tout méchant, c'est non, c'était pas moi. Harmony White. Black Talk, Big T-shirt, Billy. Ah, il a déjà fini de chanter. Ah oui, donc maintenant on fait des musiques. Ça arrêtait net 30. Oh, il n'y a plus d'effort là. Et je rigole, hein, je suis fan de ce titre. Tu sais que je l'ai écouté encore ce matin et je me suis ambiancé. Tu sais, ça fait partie de ces moments où t'es dans la rue, t'as tes écouteurs et t'es à fond dans ton délire. Ouais. Et il y a des gens qui te regardent, mais t'en fous, t'es là, t'es bien. La trappe de 20h à 22h avec. Avec Jadoul. Jadoul. Sur KIF. Alors on va parler concert. Toi t'as déjà eu un truc qui t'est passé dans ta vie, oui. Encore une fois durant un concert. Est-ce que je dois préparer la musique de la chèvre ou franchement non, ça va? Non, franchement ça va. Oui, c'est passé assez clean. Ben en fait une fois je devais aller voir le spectacle, enfin le concert plutôt. Le spectacle. Oh, on en première. C'était Marie Charles. Enfin bref. Et donc l'opérette. Ouais c'est ça exactement. Donc je devais aller voir Stromae. Sauf qu'en fait, on ne pouvait pas y aller avec les appareils photo et tout ça. On ne pouvait pas prendre de photos. Et oui, c'est assez ennuyant parce que moi, vu que je suis fan de Stromae, je voulais absolument le prendre en photo. Donc j'avais préparé tout, l'appareil photo et tout ça. Puis j'arrive à l'entrée. Ah oui. Et là, évidemment, bah, ça pose un petit problème. C'est, écoutez, monsieur, vous n'allez pas pouvoir rentrer avec l'appareil photo. Donc il va falloir trouver une solution. Soit vous le ramenez à la voiture. Mais on se doute bien, Stromae, hein, y a une belle petite file derrière. Oh ou soit bah, on vous le met ici en consigne. Et. Voilà, donc j'ai dû le laisser. Le problème, c'est que j'ai trouvé une alternative. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris le téléphone de mon cousin qui était là parce qu'il a une meilleure qualité que moi. Et j'ai voulu filmer le concert. Donc j'avais tout le concert en vidéo. Oh, c'était génial. Sauf qu'il a eu un problème avec son téléphone. Toutes les vidéos se sont supprimées. J'ai jamais eu une seule vidéo de ce concert. Ah oui, ton rêve. J'adore, mais pourquoi c'est fou. Après, au final, tu vas venir le concert de Stromae. Il est sur YouTube. Oui. Et mais bon, c'est 100 fois mieux. Et franchement, c'est un petit coup de gueule que je fais perso parce que j'étais l'autre jour à un concert. Je sais même plus ce que c'était. C'était à l'opéra de. Non, mais je crois que c'était à Lille, le stade d'Indochine. Et ça m'a frustré, vraiment premier degré. J'étais frustré de voir tous ces gens en train de filmer. Ils à étaient poil. Tous, ils filmaient. Et tu te dis mais les gars. Ouais. Profitez du concert, ouais, regardez-le de vos yeux, il y en aura plein qui ont fait des vidéos et en plus c'est pas comme s'ils l'avaient pas retransmis dans les cinémas après le concert et qu'ils vont le publier sur YouTube. Les souvenirs, ils seront créés pour vous, on sait que vous y êtes parce que vous aurez fait une petite story avant, pendant, sur votre morceau préféré, on s'en fout, mais filmez tout le concert les gars, arrêtez. Puis alors, ce qui est magnifique c'est les selfies, parce que du coup le concert il se trouve derrière. Ouais. Tu fais un petit selfie là, t'es content, t'es, ah c'est génial, mais le concert est derrière toi. Ouais, ça me fait de la peine parce que en plus le son généralement il est pourri parce que t'entends juste. Ouais. Voilà, bah bravo, il est sympa ton concert. T'as ça, et vu qu'il y a tous les bras qui sont levés, t'as les bonnes odeurs. C'est ça. Tu sens que t'es dans l'ambiance quoi. T'es... Franchement, profitez, reconnectez-vous avec les concerts. Par exemple, vivez le concert à fond, vraiment. Soyez avec l'artiste sur scène, comme avec Julien Doré. Il faut savoir que les chanteurs généralement ils ont un système qu'on appelle le in-ear. Tu sais, c'est les petites écouteurs, les petites oreillettes qu'ils ont comme ça dans les oreilles retour. Pour bien s'entendre eux, mais surtout pour pas entendre la foule qui peuvent les déconcentrer et les perturber. Ben là, elle a gueulé tellement fort que c'est passé dans son micro à lui. C'est pour ça qu'il l'a entendu. Donc dis-toi que quand elle a gueulé, je pense qu'elle avait plus de voix durant un mois après derrière, mais là. Mais c'est fort. T'imagines, le lendemain, elle va au travail, on lui dit « Pourquoi t'as plus de voix ?»« J'ai fait une vidéo, j'étais au concert de Julien !» Ça va être énorme. Le Blindclet que j'aperçois là, qui va arriver, ça va être dingue. Il faut pas débrancher la radio, parce que là, ça va être les dernières minutes où ça va partir en cacahuète. Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Eh ouais. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Voici Fresh, et juste après, on enchaîne avec les pires covers de TikTok. Il y aura du très gros dossier aujourd'hui. Bienvenue, KIF, il est l'heure. Et ça y est, c'est parti. Une énorme séquence. C'est parti, hein. C'est parti, hein. Non, franchement, on n'est pas très fort, hein, ces temps-ci, je trouve, dans l'émission. Non. On est vraiment sage. Vraiment, c'est un peu calmé. Non, pour ça, s'agit. On est plus vieux son. C'est merci de sortir dans la trappe ce soir avec tous nos délires. On est là chaque semaine en direct depuis le début de la saison. On ne va que de surprise en surprise, surtout dans cette grande séquence. La trappe de 20h à 22h avec Jadoul sur KIF. Pour ceux qui ne connaissent pas, là franchement, il faut juste vous accrocher parce que l'explication du jeu est simple. On a été sur TikTok, on a été prendre des covers, c'est-à-dire des gens qui rechantent des vraies chansons qui existent. Et au lieu de faire un blind test basique tel qu'il y a sur toutes les autres radios, nous, on vous fait écouter les versions pourries, enfin les versions... Enfin pourries, excusez-nous, hein, mais voilà. Magnifique. Faut dire les choses, non, faut dire les choses à un moment, hein, je suis désolé, parce que hein, souviens-toi qu'en début d'émission... Hein, voilà, bon. Hein, je te propose de démarrer avec le premier extrait. Si vous n'avez pas compris les règles, c'est très simple, il suffit de retrouver l'artiste et le titre. Vas-y, je suis prêt à mettre les zéros. Allez, c'est très récent, attention. Ça te dit quelque chose? Oui, bah oui, comme d'hab, hein, mais attends. Si, avec Sam Smith, non? Il n'y a pas Sam Smith dedans? C'est ça. Ouais, je l'écoute récemment, donc je pouvais pas... C'est la première fois que tu démarres le blind clet avec une bonne réponse. Force. J'avoue. Ouais. Allez, hop. Et j'ai remarqué la semaine dernière que tu avais une petite technique de fourbe. Oui, c'est que. Non, mais on t'a repéré à la prod. On a réécouté l'émission et on s'est dit. Mais il le fait exprès, c'est pas vrai. Tu glisses des demi-noms d'artistes pour voir si ça passe. Par exemple, est-ce si que ça devait être Sam Smith, t'aurais dit. C'est Sam. Smith. On t'a grillé. Donc, effectivement, c'était bien Sam Smith. C'est Ariana droguée, ça. Et là, elle s'endort. Là, elle s'endort maintenant. C'est Ariana droguée. Deuxième extrait. Oh oui, là, on retourne en France. Vas-y. Un indice, un bon indice. Je me dis souvent, j'ai pas trop le choix. Vous pouvez pas chanter plus fort, hein. À quoi bon chercher si c'est comme ça. Jouez dans la voiture avec nous. Un jour, j'ai trop. Et envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Un jour, j'ai trop. Un jour, c'est pas un jour. C'est vrai qu'on est en direct, hein, 22h02. Oublie-moi. Bon, il faut trouver, hein, un moment. C'est le refrain qui m'emmène. Elle chante derrière. Ah oui, elle chante derrière. Reviens. Un instant, il a du retard. À si, c'est Shine. Non, c'est. Non, c'est pas ça. C'est pas Shine. Attends. Allez, dernière proposition et après, il sera pas pour toi le point. Là, je suis très gentil. Hein. Ah, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. J'ai la personne qui chante, mais je l'ai pas. J'ai pas le nom. Non, oui, non. En plus, non, c'est pas Shine. Non, mais c'est Amel Bent. Ah. Je suis bête. Que suis-je bête? Faire de la radio et ne pas avoir de culture musicale, ça, c'est, ça. Ça c'est magnifique. Écoute comment il respire. C'est énorme. Ah non, mais c'est un champion, lui. On récoltera ce que l'on sème si je n'y comprends rien. J'avance au gré du vent tant que l'on sème. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. On se retrouve peut-être bientôt. Hein. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Bon, ça te fait quand même un point, c'est pas mal. Un sur deux. Ah oui, un sur deux. Un sur deux, oui, c'est ça. Non, je peux mettre deux points. Non, non, ça va, ça va. On passe au suivant. Et facile, celui-là, tu peux pas. Quoi Queen, bravo. Ah, quel kiff ce titre. Il est dégonflé. Bye. Plus de voix. On aurait dit. Il était au concert de Julien Doré. Une chèvre. Ah, et on peut les comparer, hein. Il est énorme. Ah, la voix, comment elle souffre. Oh là, l'anglais. Ah non, c'est très grave. Tu l'as pas reconnu? Non. Ah, c'est la même personne. C'est le même, bah oui, okay. C'est le même. Oh, il fallait bien qu'il revienne d'ici la fin de l'émission, évidemment. Allez, on enchaîne sans plus attendre avec le suivant. Et très facile, à mon avis, tu vas le trouver dès les premières secondes. Derrière les barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait. Plus dur, plus dur. Il est très facile, tu vas le trouver en quelques secondes, il est plus dur. Merci, merci. Ça m'aide beaucoup. Dehors, il fait chaud. Ok. Des milliers d'oiseaux s'envolent. J'ai mis des doigts de quoi? Qu'est-ce que j'ai mis les oiseaux. Ah. Je sais pas. Bon, allez, avance un peu. Le refrain. Le refrain. Quel est ce pays? Johnny? C'est du Johnny, réponse, ça? Bonne réponse. Libre dans sa tête. C'était celle-là, ok. Ah ouais, mais en fait, c'est juste par rapport au timbre de voix qui était assez loin, mais bon. Ah, c'est le principe. Mais j'avais pas compris que c'était celle-là. Ah, c'est tordu cette émission, c'est tordu. Il faut retrouver sur base des covers TikTok les vrais artistes. C'est quand même deux salles d'ambiance, hein. C'est pas la même production, quoi. Après, il le fait à fond, on peut lui reconnaître. C'est déjà bien ça. Ouais, il est dedans, mais. Allez, d'accord. Ça, mais c'était quand même pas mal de points aujourd'hui. C'est franchement, on va voir si. Oh les salauds. Mathieu, je sens que ça va être sale. Je sens que tu vas me faire une connerie. Non, non, pour une fois, c'est pas toi la victime. Ah, ça va. C'est moi la victime. C'est quoi cet accent anglais? Mais. Anglais LV12. Il pleut. C'est toi ça? Ah oui. Tu trouves pas le titre? Ah, c'est un. Tu fais vraiment le jeu là? Bah oui, je fais okay. Vraiment le jeu, bah oui! Ils m'ont mis dans les extraits du jour. Kiss me, nanana, nanana. Non. Pas dit kiss me. Bon, je t'avance un peu dedans. Please, je connais, hein, mais même chose. Ah, don't speak. Ouais. J'ai Kiss Me, moi. Ouais, de qui? On sait pas. Mais j'ai tout donné sur cette cover. C'était No Doubt. Ah, oh, j'en ai trouvé le nom. Là, je dis Kiss Me au lieu de Don't Speak. Ouais, ben j'étais dans un karaoké d'entreprise et ben je me suis lâché. Don't speak. I don't know your thinking. I don't need your reason. C'est donc ça les effets d'alcool, c'est ça? Je signale qu'on vient de déclencher l'alarme incendie. Quel con. Bon bah voilà, il fallait bien que je finisse un jour dans ce blindclet, moi. Ouais. Non mais c'était pas mal. J'ai pas vu arriver. C'était pas mal du tout. J'ai honte. Le mec qui parle le moins bien anglais de la terre, il est quand même ici, quoi. Bon, ça nous fait combien de points? 3. Oh, c'est bien. Je crois que j'ai battu mon record. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est ton meilleur score. Bon, bah, on est sur une fin d'émission là quand même. Alors, on finit à l'heure, 22h07. On n'a jamais fait ça. Ça va. On est bien, on est bien. Ouais, en plus pour un jour de grève, et franchement. Vous voulez qu'on continue? Non. 02-315-15. On aurait pu ne pas venir au final aujourd'hui. C'est vrai. Avec tout ce qui se passe. Et finalement, on prolonge. Et qu'est-ce qu'ils disent aux infos au sujet de la grève d'ailleurs? Fin du mouvement ce soir, 22h. Enfin, 22h. Il faudra d'abord tout remettre en route. Oh là là, oui, remettre les machines. Une KF Classics là qui arrive avec la fouine. Ouais, c'est vrai qu'il faut tout remettre en route. Mais comptez sur nous pour ça. On reviendra la semaine prochaine et je me suis dit que le moment où on se dit au revoir dans l'émission, il est un peu long et il est pas très intéressant. Donc ça va. Ouais, non, je trouvais ça un peu. Ça va, c'est un peu triste en vrai. Il faut le mettre en forme. Ouais, ça va. T'as raison. Je suis d'accord. Ouais. Et pour ça, on a fait appel à quelqu'un. Il est temps de vous dire au revoir. De remplir les CD, de baisser les curseurs des tables de mixage, de monter récupérer les micros dans les triforiums et de faire stop aux diffusions streaming. Et les signaux seront pour de bons partis dans les vagues internet. Sincèrement ? En vous souhaitant plein de bonnes choses, que votre écoute demeure encore fidèle, que votre vie et votre nuit soient douces et belles, je vous tire mon chapeau et vous dis bon vent à tous. Ce soir, c'était votre serviteur. Allô? On l'a perdu? Allô? Bon, bah. Et là, c'est le drame. Voilà. Ah, bah, chouette l'ambiance, hein. s'il y avait un coup de fusil, c'était le même truc. Bon, bah, j'espère qu'on vous a mis la pêche. Hein. On a fait ce qu'on a pu. Bah, jusque-là, quoi. On va quand même terminer en beauté. Voilà. Bien vu. À la semaine prochaine, Kix. À la semaine prochaine, oui. La Trappe revient mercredi prochain.